d'écrire un trajet. D'abord, vous prenez la rue Saint-Denis. Ensuite, à Maisonneuve, tournez à droite, puis continuez jusqu'à Bromont. C'est là. Désolé, je ne sais pas où ça se trouve. Je regrette. Je ne sais pas où c'est. Vous prenez l'autoroute 416 en direction de Kingston.